Section 5 de Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Schiller, poème 2 à 4. Le plongeur. Qui donc, chevalier ou vassal, oserait plonger dans cet abîme? J'y lance une coupe d'or. Le gouffre obscur l'a déjà dévoré. Mais celui qui me la rapportera l'aura pour récompense. Le roi dit, et du haut d'un rocher rude et escarpé, suspendu sur la vaste mer, il a jeté sa coupe dans le gouffre de Charybde. Est-il un homme de cœur qui veuille s'y précipiter? Les chevaliers, les vassaux ont entendu, mais ils se taisent, ils jettent les yeux sur la mer indomptée, et le prix ne tente personne. Le roi répète une troisième fois, qui de vous osera donc s'y plonger? Tous encore gardent le silence, mais voilà qu'un page, à l'air doux et hardi, sort du groupe tremblant des vassaux. Il jette sa ceinture, il ôte son manteau, et tous les hommes, toutes les femmes, admirent son courage avec effroi. Et comme il s'avance sur la pointe du rocher en mesurant l'abîme, Charybde rejette l'onde, un instant dévorée, qui dégorge de sa gueule profonde avec le fracas du tonnerre. Les eaux bouillonnent, se gonfle, se brise et gronde comme travaillé par le feu. L'écume poudreuse rejaillit jusqu'au ciel et les flots sur les flots s'entassent, comme si le gouffre ne pouvait s'épuiser, comme si la mer enfantait une mer nouvelle. Mais enfin sa fureur s'apaise et parmi la blanche écume apparaît sa gueule, noire et béante, ainsi qu'un soupirail de l'enfer. De nouveau, l'onde tourbillonne et s'y replonge en aboyant. Vite, avant le retour des flots, le jeune homme se recommande à Dieu et l'écho répète un cri d'effroi. Les vagues l'ont entraîné, la gueule du monstre semble se refermer mystérieusement sur l'audacieux plongeur. Il ne reparaît pas. L'abîme calmée ne rend plus qu'un faible murmure et mille voix répètent en tremblant « Adieu, jeune homme au noble cœur !» Toujours plus sourd, le bruit s'éloigne et l'on entend encore avec inquiétude, avec frayeur. Quand tu y jetterais ta couronne et quand tu dirais qui me la rapportera, l'aura pour récompense et sera roi. Un prix si glorieux ne me tenterait pas. Âme vivante ne redit les secrets du gouffre aboyant. Que de navires, entraînés par le tourbillon, se sont perdus dans ces profondeurs. Mais il n'a reparu que des mâts et des vergues brisées au-dessus de l'avide tombeau, et le bruit des vagues résonne plus distinctement. Approche, approche, puis éclate. Les voilà qui bouillonnent, se gonflent, se brisent et grondent comme travaillés par le feu. L'écume poudreuse rejaillit jusqu'au ciel. Et les flots sur les flots s'entassent, puis, avec le fracas d'un tonnerre lointain, surmontent la gorge profonde. Mais voyez, du sein des flots noirs s'élève comme un signe éblouissant. Bientôt, on distingue un bras nu, de blanches épaules qui nagent avec vigueur et persévérance. C'est lui. De sa main gauche, il élève la coupe en faisant des signes joyeux. Et sa poitrine est haletante longtemps et longtemps encore. Enfin, le page salue la lumière du ciel. Un doux murmure vole de bouche en bouche. Il vit, il nous est rendu. Le brave jeune homme a triomphé de l'abîme et du tombeau. Et il s'approche. La foule joyeuse l'environne. Il tombe aux pieds du roi et, en s'agenouillant, lui présente la coupe. Le roi fait venir son aimable fille. Elle remplit le vase jusqu'au bord d'un vin pétillant, et le page ayant bu s'écrie « Vive le roi longtemps! Heureux ceux qui respirent à la douce clarté du ciel! Le gouffre est un séjour terrible. Que l'homme ne tente plus les dieux et ne cherche plus à voir ce que leur sagesse environna de ténèbres et d'effroi. J'étais entraîné d'abord par le courant avec la rapidité de l'éclair, lorsqu'un torrent impétueux sorti du cœur du rocher se précipita sur moi. Cette double puissance me fit longtemps tournoyer comme le buis d'un enfant, et elle était irrésistible. Dieu que j'implorais dans ma détresse me montra une pointe de rocher qui s'avançait dans l'abîme. Je m'y accrochai d'un mouvement convulsif, et j'échappais à la mort, la coupe était là, suspendue à des branches de corail qui l'avaient empêchée de s'enfoncer à des profondeurs infinies, car au-dessous de moi, il y avait encore comme des cavernes sans fond, éclairées d'une sorte de lueur rougeâtre, et, quoique l'étourdissement eût fermé mon oreille à tous les sons, mon œil aperçut avec effroi une foule de salamandres, de reptiles et de dragons qui s'agitaient d'un mouvement infernal. C'était un mélange confus et dégoûtant de raies épineuses, de chiens marins, d'esturgeons monstrueux et d'effroyables requins, hyènes des mers dont les grincements me glaçaient de crainte. Et j'étais là, suspendu, avec la triste certitude d'être éloigné de tout secours, seul être sensible parmi tant de monstres difformes, dans une solitude affreuse où nulle voix humaine ne pouvait pénétrer, tout entouré de figures immondes. Et je frémis d'y penser. En les voyant tournoyer autour de moi, il me sembla qu'elles s'avançaient pour me dévorer. Dans mon effroi, j'abandonnai la branche de corail où j'étais suspendu. Au même instant, le gouffre revomissait ses ondes mugissantes. Ce fut mon salut. Elles me ramenèrent toujours. Le roi montra quelque surprise et dit « La coupe t'appartient et j'y joindrai cette bague ornée d'un diamant précieux si tu tentes encore l'abîme et que tu me rapportes des nouvelles de ce qui se passe dans les profondeurs les plus reculées. » À ces mots, la fille du roi, tout émue, le supplie ainsi de sa bouche caressante. « Cessez, mon père, cessez un jeu si cruel. Il a fait pour vous ce que nul autre n'eût osé faire. Si vous ne pouvez mettre un frein au désir de votre curiosité, que vos chevaliers surpassent en courage le jeune vassal. » Le roi saisit vivement la coupe et la rejetant dans le gouffre. « Si tu me la rapportes encore, tu deviendras mon plus noble chevalier. » Et tu pourras aujourd'hui même donner le baiser de fiançailles à celle qui prie si vivement pour toi. » Une ardeur divine s'empare de l'âme du page. Dans ses yeux, l'audace étincelle. Il voit la jeune princesse rougir, pâlir et tomber évanouie. Un si digne prix tente son courage et il se précipite de la vie à la mort. La vague rugit et s'enfonce. Bientôt, elle remonte avec le fracas du tonnerre. Chacun se penche et y jette un regard plein d'intérêt. Le gouffre engloutit encore et revomit les vagues qui s'élèvent, retombent et rugissent toujours, mais sans ramener le plongeur. La puissance du chant. Un torrent s'élance à travers les fentes des rochers et vient avec le fracas du tonnerre. Des montagnes en débris suivent son cours et la violence de ses eaux déracine des chaînes. Le voyageur étonné entend ce bruit avec un frémissement qui n'est pas sans plaisir. Il écoute les flots mugir en tombant du rocher, mais il ignore d'où ils viennent. Ainsi, l'harmonie se précipite à grands flots sans qu'on puisse reconnaître les sources d'où elle découle. Le poète est l'allié des êtres terribles qui tiennent en main les fils de notre vie. Qui donc pourrait rompre ses nœuds magiques et résister à ses accents? Il possède le sceptre de Mercure et s'en sert pour guider les âmes. Tantôt il les conduit dans le royaume des morts, tantôt il les élève, étonnés, vers le ciel et les suspend, entre la joie et la tristesse, sur l'échelle fragile des sensations. Lorsqu'au milieu d'un cercle où règne la gaieté, s'avance tout à coup, et tel qu'un fantôme, l'impitoyable destin, alors tous les grands de la terre s'inclinent devant cet inconnu qui vient d'un autre monde. Tout le vain tumulte de la fête s'abat, les masques tombent, et les œuvres du mensonge s'évanouissent devant le triomphe de la vérité. De même, quand le poète prélude, chacun jette soudain le fardeau qu'il s'est imposé. L'homme s'élève au rang des esprits et se sent transporté jusqu'aux voûtes du ciel. Alors il appartient tout à Dieu, rien de terrestre n'ose l'approcher. Et toute autre puissance est contrainte à se taire. Le malheur n'a plus d'empire sur lui. Tant que dure la magique harmonie, son front cesse de porter les rides que la douleur y a creusées. Et, comme après de longs désirs inaccomplis, après une séparation longtemps mouillée de larmes, un fils se jette enfin dans le sein de sa mère en le baignant des pleurs du repentir. Ainsi, l'harmonie ramène toujours au toit de ses premiers jours, au bonheur pur de l'innocence, le fugitif qu'avait égaré des illusions étrangères. Elle le rend à la nature qui lui tend les bras pour réchauffer son génie glacé par la contrainte des règles. Pégase mise au jour. Dans un marché de chevaux, à Haymarket, je crois, certains poètes affamés mit en vente Pégase parmi beaucoup d'autres chevaux à vendre. Le cheval ailé hennissait et se cabrait avec des mouvements majestueux. Tout le monde, l'admirant, s'écriait « Le noble animal, quel dommage qu'une inutile paire d'ailes dépare sa taille élancée. Il serait l'ornement du plus bel attelage. La race en est rare, car personne n'est tenté de voyager dans les airs. » Et chacun craignait d'exposer son argent à un pareil achat. Un fermier en eut envie. « Il est vrai, dit-il, que ses ailes ne peuvent servir à rien, mais en les attachant ou en les coupant, ce cheval sera toujours bon pour le tirage. J'y risquerai bien 20 livres. » Le poète ravi lui frappe dans la main. « Un homme n'a qu'une parole, s'écrie-t-il, et Maître Jean part gaiement avec son emplette. » Le noble cheval est attelé, mais à peine sent-il une charge inconnue qu'il s'élance indigné et d'une secousse impétueuse jette le chariot dans un fossé. « Oh oh !» dit Maître Jean, « ce cheval est trop vif pour ne mener qu'une charrette. Expérience vaut science. Demain, j'ai des voyageurs à conduire. Je l'attellerai à la voiture. Il est assez fort pour me faire le service de 2 autres chevaux, et sa fougue passera avec l'âge. » D'abord, tout alla bien. Le léger coursier communiquait son ardeur à l'indigne attelage dont il faisait partie, et la voiture volait comme un trait. Mais qu'en arriva-t-il? Les yeux fixés au ciel et peu accoutumé à cheminer d'un pas égal, il abandonne bientôt la route tracée, et n'obéissant plus qu'à sa nature, il se précipite parmi les marais, les champs et les broussailles. La même fureur s'empare des autres chevaux. Aucun cri, aucun frein ne peut les arrêter, jusqu'à ce que la voiture, après maintes culbutes, aille enfin, au grand effroi des voyageurs, s'arrêter toute brisée au sommet d'un mont escarpé. « Je ne m'y suis pas bien pris, » dit Maître Jean, un peu pensif. « Ce moyen-là ne réussira jamais. Il faut réduire cet animal furieux par la faim et par le travail. » Nouvel essai. 3 jours après, déjà, le beau Pégase n'est plus qu'une ombre. « Je l'ai trouvé, » s'écrie notre homme. « Allons, qu'il tire la charrue avec le plus fort de mes bœufs. » Aussitôt fait que dit, la charrue offre aux yeux l'attelage risible d'un bœuf et d'un cheval ailé. Indigné, ce dernier fait d'impuissants efforts pour reprendre son vol superbe. Mais, en vain, son compagnon n'en va pas plus vite, et le divin coursier est obligé de se conformer à son pas, jusqu'à ce que, épuisé par une longue résistance, la force abandonne ses membres, et que, accablé de fatigue, il tombe et roule à terre. « Méchant animal !» crie Maître Jean, l'accablant d'injures et de coups. « Tu n'es pas même bon pour labourer mon champ. Maudit soit le fripon qui t'a vendu à moi !» Tandis que le fouet servait de conclusion à sa harangue, un jeune homme vif et de bonne humeur vient à passer sur la route. Une lyre résonne dans ses mains, et parmi ses cheveux blonds éclate une bandelette d'or. « Que veux-tu faire ? » dit-il, mon ami, d'un attelage aussi singulier. Que signifie cette union bizarre d'un bœuf avec un oiseau? Veux-tu me confier un instant ton cheval à l'essai et tu verras un beau prodige? Le cheval est dételé et le jeune homme saute sur sa croupe en souriant. À peine Pégase reconnaît-il la main du maître qu'il mord fièrement son frein, prend son essor et lance des éclairs de ses yeux divins. Ce n'est plus un cheval, c'est un dieu qui s'élève au ciel avec majesté. Et déployant ses ailes, se perd bientôt parmi les espaces azurés, où les yeux des humains ne peuvent plus le suivre. Fin de la section 5.